Vous écoutez Futur Simple sur CKRL 89.1, Valérie Levé qui vous parle et je suis en compagnie de Warwick Vincent. Il est professeur au département de biologie de l'Université Laval et sa spécialité c'est la limnologie. Alors qu'est-ce que c'est ça la limnologie? Eh bien c'est un bien grand mot pour dire l'étude des lacs. Et un lac c'est beaucoup plus qu'un plan d'eau pour nager ou faire du bateau. Et pour nous introduire à tout ce qui se cache sous la surface de ce plan d'eau, eh bien Warwick Vincent a écrit un livre qui s'appelle tout simplement « Les lacs, une brève introduction ». Et c'est paru ce printemps aux presses de l'Université Laval. Bonjour, Monsieur Vincent. Bonjour. Donc en fait, qu'est-ce qui vous a motivé à écrire ce livre? Dans un premier temps, c'était surtout pour transmettre ma passion pour les lacs. Je suis biologiste et je vois la grande biodiversité des lacs à travers le monde. Et mm-hmm. C'était une façon de partager cet intérêt. Et j'ai pensé que surtout ici au Québec, on est dans un paradis de lacs. On voit les lacs partout. Des fois, j'ai entendu qu'il y avait autant de lacs au Québec qu'il y avait de Québécois. Je ne sais pas si c'est vrai. Oui, peut-être un peu plus, oui. Donc, c'est extraordinaire. C'est une occasion de stimuler l'intérêt concernant les lacs et tous les aspects de ces écosystèmes extraordinaires. Mm-hmm. Ben justement, donc on parle des lacs québécois, puis on se les représente tous. On va des fois au bord des lacs, puis on voit cette eau quand même assez sombre, avec ses rives bordées d'épinettes. Mais en fait, sur la planète, les lacs, ils ont toutes formes, de toutes sortes de couleurs, toutes sortes de formes, et ils ne sont pas toujours liquides. Parlez-nous un petit peu de... Moi, j'ai trouvé ça très surprenant en lisant votre livre. Il y a même des lacs explosifs. Parlez-nous un petit peu de tous ces lacs bizarres. Exact, oui. Donc, il y a une grande diversité à travers le monde. Et, durant ma carrière, j'avais le grand privilège et de plaisir à travailler entre le pôle sud vers le pôle nord et visiter plusieurs de ces lacs à travers le monde. Et on commence avec la couleur. Mm-hmm. On pense, oui, on voit ici au Québec, les lacs sont noirs ou jaunâtres. Mais à travers le monde, on peut trouver les lacs très bleus. Par exemple, j'ai travaillé au lac Tahoe en Californie. Tellement bleu, c'est comme l'encre. On pense que si on place une main dans l'eau, on sort avec une main bleue par la suite. Il y a les lacs de toutes sortes de couleurs, comme le rouge et le bleu-vert. Dans le grand nord du Québec, on a même une droite où il y a les lacs arc-en-ciel. Il y a les lacs comme le cappuccino, d'autres lacs comme l'espresso, le café, mocha, blueberry, les bleus, les verts. Mais c'est dû à quoi? Spectre. C'est dû à quoi toutes c'est ces couleurs? Oui, à toutes sortes de phénomènes, mais c'est surtout la matière organique qui vient de bassins versants. On ajoute juste un petit peu de matière organique et l'eau devient très, très verte. Un peu plus, c'est jaune. Un peu plus, c'est noir. Donc, on a toutes sortes de colorations. On commence avec la couleur, mais par la suite, il y a la forme. Mm-hmm. Et encore une fois, le nord de Québec est extraordinaire. Les astronautes dans la station spatiale adorent le Québec. Parce qu'il y a toutes sortes de formes pour prendre les photos. Il y a les lacs dendritiques, un peu comme les arbres. Il y a les lacs totalement circulaires, qui sont le résultat des frappes de météorites. Il y a un qui maintenant est un parc qui s'appelle Pingualoc. Mm-hmm. Est totalement circulaire et il y a même un nom. Les Inuits appellent ce lac l'œil de cristal. Ah oui. Et les astronautes, c'est comme un œil qui regarde. donc, une grande variété. Et pour moi, comme biologiste, c'est surtout la biodiversité de la faune, de la flore et des choses vivantes dans le lac qui me fascinent. Mais avant d'en venir à la biodiversité, moi, il y a d'autres lacs qui m'ont intrigué. C'est des lacs en Antarctique. On s'attend à ce qu'ils soient gelés, mais en fait, sous la couche de glace, il y a de l'eau liquide. Exact. Il y a certains lacs où il y a tellement de sel. La salinité est très élevée. 10 fois la salinité de la mer. Un peu comme le slush ici à Québec en plein hiver et qui ne gèle jamais. Même si la température de cette eau est inférieure à zéro. Exact. Ça veut dire qu'on peut prendre une petite embarcation et l'eau est en plein hiver et l'eau liquide, mais avec une température de moins 18. Donc, c'est, c'est incroyable. Vous évitez tomber dans l'eau, par exemple. C'est dangereux. Ouais. Un autre lac que j'ai trouvé en Antarctique, c'est un lac réchauffé par le soleil. Donc, on est sur la glace. On a peut-être 5 mètres de glace. On pierce un trou à travers la glace et on prend les échantillons. Et avec la profondeur, la température augmente. Et finalement, donc, en plein hiver, la température est moins 60 dans l'air. Dans l'eau, la température est plus 25. C'est incroyable. Et c'est réchauffé par le soleil, c'est comme un effet de serre. Ah. Et petit à petit, le lac est réchauffé. Ouais. Ouais. Et ce lac explosif, de quoi il s'agit? Il faut faire attention quand on fait la limnologie, l'étude des lacs dans ces circonstances. Dangereux. Donc, il y a deux types de lacs explosifs. Il y a les lacs associés avec les volcans. On voit certains lacs comme ça en Nouvelle-Zélande. Moi, je viens de la Nouvelle-Zélande et c'est là que, surtout l'île du Nord, il y a dans les cratères des volcans, il y a les lacs très chauds, mais de temps en temps, il y a une explosion et c'est très dangereux, évidemment, à ce moment-là. Il y a un autre type de lac qu'on peut trouver dans le Nord de Québec qui sont explosifs. C'est associé avec la production de méthane. Mm-hmm. Et durant l'hiver, il y a une accumulation. On peut même piercer un trou à travers la glace et allumer le gaz. Ah, et oui. Donc, à ce moment-là, on a beaucoup de feu sur la neige et la glace. Mm-hmm. Donc, c'est associé avec les gaz explosifs. Ouais, donc il y a vraiment toutes sortes de gaz, de lacs. Alors maintenant, quand on regarde un lac, bon, on se promène au bord d'un lac et on a l'impression que c'est assez immuable. C'est comme s'il avait toujours été là. Oui. Mais en fait, c'est pas le cas du tout. Un lac, c'est comme un être vivant, finalement, ça naît. Avant, il n'y en avait pas, puis un jour, il meurt. Racontez-nous un petit peu comment ça naît, un lac, et qu'est-ce qui l'amène à évoluer et finalement à disparaître. Oui, c'est vrai. Donc, il y a un processus de naissance, il y a un processus de mort, et il y a toutes sortes de processus qui sont importants pour le développement des lacs. Il y a le mouvement de la croûte de notre planète, donc c'est les lacs qui s'appellent les lacs tectoniques. Ces lacs sont très intéressant parce qu'ils sont les plus anciens lacs du monde. Mm-hmm. Et ça veut dire qu'il y a beaucoup de temps pour l'évolution d'une flore. Ah oui, pour le biologiste que vous êtes, là, oui, c'est extraordinaire. Par exemple, le plus ancien du monde, c'est le lac Baïkal, et avec une profondeur de 1700 mètres, incroyable. Mais c'est là, c'est un lac avec un âge de 25 millions d'années, suffisamment de temps pour l'évolution de toutes sortes de choses, incluant les phoques d'eau douce, toutes sortes de poissons. Même chose en Amazonie, on peut trouver une grande diversité d'espèces endémiques. Donc, les lacs tectoniques, mais ici au Québec, c'est surtout les lacs glaciaires. Finalement, les glaciers, dans le passé, étaient comme les grands bulldozers qui ont creusé les trous. Ce qui veut dire que nos lacs ici au Québec sont très jeunes. Ils sont en train de se développer. Et pour la plupart, la qualité d'eau est vraiment bonne. C'est la qualité de jeunesse associée avec ces écosystèmes. Mais petit à petit, il y a un changement. Il y a un remplaçage de plantes, de végétation, de détritus. Et finalement, il y a une disparition des lacs. Mm-hmm. Mais ça prend beaucoup de temps, comme le lac Baïkal, c'est encore là, 25 millions d'années. Ouais. Mais on voit les lacs avec une disparition après quelques milliers d'années ou quelques dizaines de milliers d'années. J'imagine que pour le lac Baïkal, qui est gigantesque, ça prend du temps, mais pour des lacs plus petits, comme on peut en voir peut-être certains lacs au Québec ou parfois en montagne, peut-être, le processus doit être plus rapide pour qu'on doit pouvoir les voir un peu plus, ces processus de vieillissement d'un lac. C'est vrai, et c'est fascinant si on prend la route, par exemple, vers le Grand Nord, de Montréal vers le Bay James. Mm-hmm. On peut voir une diminution de âge vers le Nord, parce que les lacs sont de plus en plus jeunes vers le Nord. Okay. Et on voit qu'il y a moins de plantes, il y a moins de sédiments. C'est une façon de visiter la jeunesse dans le Nord avec ces lacs. Mm-hmm. Alors, une autre chose qui m'a vraiment surpris en lisant votre livre, c'est tous les mouvements d'eau qu'il y a. Bon, on s'attend pour un grand lac, il peut peut-être y avoir des vagues, comme il y en a sur la mer. Il peut y avoir ça sur les grands lacs canadiens, les grands lacs américains. Mais il y a toutes sortes de mouvements d'eau, d'ondes à différents niveaux. Comment vous pouvez nous simplifier, nous vulgariser un petit peu tous ces mouvements? Exact. Parce que, oui, quand on voit le lac, c'est comme quelque chose de statique, mais il y a une grande diversité de mouvements à l'intérieur. Premièrement, il y a le mouvement à la surface, on voit les vagues, mais il y a certaines vagues qui sont un peu moins évidentes. Il y a un phénomène qui s'appelle les sèches. Et c'est là, on peut trouver ça associé avec tous les lacs ici au Québec. Le vent pousse le lac dans une direction. Par la suite, le vent arrête et il y a un mouvement de retour. Okay, donc, c'est un effet de balancier. Okay, c'est comme le ressac, mais finalement, qui est plus en profondeur. Exact. Ouais. Il y avait toutes sortes de théories. Donc, il n'y a pas les marées, mais c'est comme une marée, mais c'est associé avec le vent. Et à cause de ça, il y a beaucoup de vagues, même les vagues à l'intérieur d'un lac. C'est difficile à imaginer, mais il y a les couches à l'intérieur d'un lac et le mouvement de ces couches. Je dis à mes étudiants, la meilleure chose à faire est de regarder le ciel, regarder les nuages, et on voit toutes sortes de mouvements dans le ciel. Il y a exactement le même type de mouvement dans les lacs, mais bien caché au-delà de la surface. Oui, ben, et puis aussi, il faut imaginer que le lac, ce n'est pas homogène. Vous le dites un petit peu, la surface, et puis quand on descend, il y a des phénomènes qui se passent. Il n'y a pas la même quantité de lumière, il y a peut-être des sédiments qui se déposent, puis il y a de la chimie différente. Donc tout ça fait vraiment quelque chose qui n'est pas du tout homogène, finalement. C'est vrai. Et, même la température. Même la température. C'était le grand scientifique, M. Forel, qui est durant le 19e siècle. Vous le citez siècle. Souvent, d'ailleurs, dans votre livre. Oui, je suis fasciné par sa vie et ses contributions. Et j'ai fait la découverte de Forel par moyen de mes fonctions ici à l'Université Laval, parce qu'il a publié tous ses articles en français et il a développé le mot la limnologie, c'est l'étude des lacs en français. De maintenant, c'est un mot qui est utilisé dans toutes les langues à travers le monde. Et il a dit, est-ce que la surface du lac est une bonne mesure de ce qui se passe à travers le lac? Oui. Et finalement, il a dit, non, pas du tout. On a de l'eau chaude à la surface, l'eau froide près du fond. On voit un changement d'oxygène, même une couleur. On a un lac dans le nord, qu'on échantillon, l'eau est très claire à la surface. On prend un échantillon plus près de fond, c'est jaune, incroyablement jaune. Donc, il y a les phénomènes qui changent. Il y a les strates, les couches. C'est comme un gâteau de plusieurs couches. Chaque couche est très différente, avec une vie différente aussi. Ouais. Puis aussi, on dit un lac, c'est de l'eau, donc on imagine la molécule d'eau, H2O, mais il y a plein d'autres choses. Il y a plein d'autres choses, oui, c'est ça. Et puis là, je vois les yeux de François, qui est chimiste, qui s'allument. Oui, au niveau de la chimie. Donc, c'est un paradis pour les chimistes aussi, parce que les lacs, c'est comme les éprouvettes, avec les strates qui sont très différentes. C'est comme un laboratoire, finalement, pour les chimistes, pour mieux comprendre le fonctionnement de notre planète, les grands cycles de recyclage, l'importance de l'oxygène, du carbone. On pense que la chimie de ces lacs influence notre planète en ce moment. On a une grande inquiétude concernant l'influence de ces lacs. Donc, c'est quoi? C'est le cycle du carbone, le cycle de l'azote? Qu'est-ce qu'on retrouve comme... Il y a plusieurs choses, mais c'est surtout l'influence sur le gaz à effet de serre. On réalise que les lacs du Grand Nord, incluant le Nord du Québec, sont importants pour mobiliser le carbone qui était stocké dans le pergélé sol. Le sol, on a dit gelé en permanence, mais ce n'est pas en permanence maintenant avec le réchauffement. Ouais. Et on a suffisamment de carbone dans le sol pour doubler la quantité de carbone dans l'atmosphère. Il y a les processus dans les lacs qui sont responsables pour la production de méthane. Et méthane est un gaz à effet de serre très puissant. Donc, c'est un élément de nos recherches pour mieux comprendre c'est quoi ce processus d'influence des lacs à l'échelle planétaire. Alors, considérant toute cette diversité des lacs, la chimie qui se passe dedans, tout ça, forcément, doit découler sur une biodiversité immense. Et puis, c'est là-dedans que vous travaillez. Exact. La biodiversité est immense. C'est pas juste des poissons. Pas juste les poissons. Les poissons sont fascinantes, comme les poissons dans les lacs que j'ai visités en Amazonie, où on voit le niveau de lac qui change de 10 mètres à travers les saisons. Ah oui. Et les poissons qui nagent à travers la forêt et qui mangent les fruits et les nouilles. Extraordinaire. On a des poissons très intéressants dans le nord du Québec, les hommes chevaliers. Qui sont très adaptés, très bonnes à manger aussi. Très important pour la culture inuit. Mais il y a, vous avez raison, il y a toutes sortes d'autres vies moins évidentes. qu'on peut trouver avec un filet, par exemple, un filet à plancton. On voit, il y a les petites espèces qui nagent, comme le moucheron fantôme, qui est une espèce de... C'est comme un ver, mais c'est transparent, qui nage à travers la colonne d'eau, transparent, pour éviter la prédation par ah les oui. poissons. Ah oui. Les espèces qui demeurent près du fond, qui sont les ingénieurs, finalement, qui sont en train de changer leur environnement et changer la chimie, changer l'environnement pour les autres espèces. Mais ça ressemble à quoi? Est-ce que c'est des vers, comme vous dites? Est-ce que c'est comme des petits escargots? À quoi ça ressemble? Oui, il y a plusieurs, un peu comme les vers, mais ils sont les larves des insectes. Ah, oui. Il y a beaucoup d'insectes avec une partie de leur cycle de vie associée avec de l'eau, des fois pour une longue période de temps, par exemple dans le nord, parce qu'il fait froid, on peut voir ces stades de lave dans l'eau pour quelques années, avant l'adulte qui peut être en durée de vie de juste quelques jours ou quelques semaines, mais pour la plupart, leur vie est dans le lac. Et puis, c'est ça, et s'ils ne se font pas manger par les poissons, par exemple. Exact, il faut éviter ça. Mais ils ont toutes sortes de trucs pour éviter cette pression. Mais un bon nourriture pour les poissons. Bah oui, exactement. Donc ça, c'est plein de choses qu'on découvre dans votre livre, mais j'aimerais qu'on parle aussi quand même de vos recherches, parce que vous-même, vous étudiez les lacs. Et en fait, on voit que c'est quand même assez complexe, il se passe plein de choses dans les lacs. Quels sont les outils qu'on a pour voir ce qui se passe sous la surface de l'eau? Il y a plusieurs méthodes. On a les instruments qu'on peut faire descendre à travers l'eau pour mesurer, par exemple, l'oxygène, la lumière, tous les aspects chimiques, et physiques et biologiques. Mais un aspect qui est vraiment intéressant en ce moment, qui fait une grande partie de nos recherches, est les approches moléculaires. On utilise les outils ADN, les méthodes qui étaient développées surtout pour les sciences médicales, pour mieux comprendre c'est quoi la vie microbienne, le microbiome. Tout le monde parle de microbiome dans les intestins, très important pour notre santé. On réalise de plus en plus que les microbes influencent notre santé, même notre santé mentale. Et c'est la même chose pour un lac. La vie microscopique est absolument essentielle. C'est pour les cycles vitaux, pour maintenir le fonctionnement. Et dans le passé, c'était très difficile. On a réalisé, il y a beaucoup de... Chaque une tasse d'eau va avoir peut-être 100 000 cellules. Mais c'est quoi ces cellules? Et c'est quoi leur signification? Maintenant, avec les outils moléculaires, on peut poser la question, qui est là? Et c'est quoi leur fonctionnement? Ouais. C'est quoi leur tâche? De quoi ils vivent? Exact. Ouais, c'est ça. Quelles molécules ils vont manger? Qu'est-ce qu'ils vont relâcher? Exact. Et c'est une période pour nous de découverte extraordinaire. Ah oui. On voit une richesse. Et chaque année, on voit pas simplement d'autres espèces, mais d'autres embranchements de la vie qu'on est en train de découvrir. Et on réalise que les écosystèmes, la casse, les lacs sont beaucoup plus complexes, beaucoup plus riches et plus magnifiques que nous avons imaginé. Donc sur quoi, ça c'est les outils, mais sur quoi portent vos recherches spécialement? C'est sur l'étude de cette faune qu'on a au fond des lacs? Exact. Donc on a un grand intérêt sur la biodiversité pour mieux comprendre le fonctionnement, comment ça fonctionne un écosystème lacustre. Mais surtout dans le contexte de changement de climat. De quelle façon est-ce que nos lacs sont en train de changer? Parce que les lacs sont tellement importants pour nous. Source de l'eau potable, pour la pêche, hydroélectricité, pour le transport, mais comme une source de richesse, de biodiversité autour de notre planète, ici au Québec, une grande importance pour la biodiversité. Donc, mon équipe, on pose la question, c'est quoi les implications d'un changement de climat, de réchauffement, ça va changer de quelle façon, et de quelle façon est-ce qu'on peut gérer ces écosystèmes à l'avenir pour maintenir la qualité d'aujourd'hui. Ah oui, donc c'est des grandes questions. Et pour finir d'ailleurs, justement, une question un peu reliée, est-ce qu'on prend suffisamment soin de nos lacs, outre le changement climatique, est-ce qu'on en prend suffisamment soin? Pas du tout. C'est vraiment triste. On a une richesse de lacs ici au Québec. On est gâtés par rapport avec cette ressource. Mais nous n'avons pas pris conscience de l'importance de garder la qualité de l'eau, de nos lacs. on voit les situations extraordinaires, un peu choquantes, ici, surtout dans le sud de Québec, où on a oublié le soin qui est nécessaire mm-hmm. pour maintenir la qualité. Like on regarde certains lacs, on pense, oh, peut-être c'est un lac en Chine ou dans un pays en développement, mais non, c'est ici, chez nous. Donc, mm-hmm. On a le grand travail à faire pour protéger nos lacs et de plus en plus à l'avenir. Mm-hmm. Avec les changements qui vont venir. Mm-hmm. Bien, monsieur Vincent, merci beaucoup de nous avoir en quelque sorte débanalisé les lacs, parce que c'est vrai, il y en a tellement aux lacs qui sont devenus banals, mais qu'on ne connaît pas vraiment finalement. Donc, évidemment, pour découvrir davantage les lacs, on peut plonger dans ce petit livre. Donc, j'en rappelle le titre, Les lacs, une brève introduction. Et c'est publié par les presses de l'Université Laval. Ça se lit assez bien. Moi, je le lisais cet été en prenant mon petit déjeuner. C'était une lecture qui m'accompagnait pendant mon café. Voilà, alors merci beaucoup, monsieur Vincent. Je rappelle que Warwick Vincent est professeur de biologie à l'Université Laval. Alors, c'est la pause, mais restez avec nous sur CKRL 89.1, parce qu'après la pause, on parle d'andropause.